les baladeuses. Whenever we see a new sight or feel a new sensation, est-ce que vous aimez voyager? Oui, mais pas pour les mêmes raisons que les autres. Dans la forêt des sons et des sens, on rencontre d'étranges baladeuses, des créatures diaphanes, aux longs gestes et à la voix aérienne. Les baladeuses sont là aujourd'hui, mercredi 25 février à 10h et quelques minutes, sont là pour évoquer avec vous les passages, tous les passages de nos vies. Nous aurons quelques invités qui seront pas présents dans le studio, mais que nous avons enregistrés, des problèmes d'agenda, enfin, vous connaissez, seront là, du coup, pour, alors, avec leur voix, pour nous parler de leur propre passage. Entre autres, Christiane et Gilles Massardier, qui, il y a quelques années, ont créé un lieu d'accueil pour les enfants et les jeunes en déroute, qu'ils ont appelé le Passage, quelque part à Saint-Chamond. Nous aurons aussi Justin Bailly, qui est un jeune escaladeur et qui nous parlera de ses passages qui ne seront pas tout à fait les mêmes que ceux de Gilles et Christiane. Et également Anna, la baladeuse européenne que l'on suit depuis le mois de juin, qui en est à sa 14e frontière. Frontière invisible sur les cartes, frontière qui se transforme en langue, en culture, en personne complètement différente de ce qu'elle a connu jusqu'à présent, et qui se trouve en ce moment en Suède, quelque part vers le... Alors plus dans le cercle polaire, c'était le mois dernier, mais qui se trouve toujours avec des chiens de traîneau et par moins 40 parfois. Passage secret. Passage obligé, passage à l'acte, passage en revue, passage sur scène, passage piéton, passage à vide, passage à niveau, passage de relais, passage à tabac, je recommence. Passage obligé, passage en revue, passage à vide. Passage de relais, passage secret. L'homme était français, la femme était russe. Tous deux en voyage aux États-Unis. Deux attendaient le même autobus, presque sans bagages, comme des sans-abri. Ils se composaient dans le terminus. Un nouveau langage bizarrement joli. Presque du français, presque du russe, et l'anglais d'usage qu'ils avaient appris. Au fil du trajet, dans le processus du bon bavardage qui se pervertit, le couple savait qu'il s'agirait juste d'un truc de passage voué à l'oubli. L'homme était français, la femme était russe. Leurs deux cœurs volages n'avaient qu'une envie. Lui s'imaginait délivrer le buste de l'épais corsage à demi rempli. Elle se retenait d'explorer les muscles de ce corps sauvage de mal à guérir. Il y eut deux arrêts, puis un terminus, un sac de couchage pour deux corps unis. Au matin dormaient l'homme et sa Vénus, tous deux en otage, de l'autre endormi. Mais dans le respect de leur consensus, l'éventuel chantage n'était pas permis. L'entente voulait que ce soit jamais plus qu'un truc de passage voué à l'oubli. L'homme était français, la femme était russe. Sans enfantillage, tous deux ont repris chacun leur trajet et leur autobus, tous deux le visage un peu déconfit. La femme chassait le souvenir robuste de son court voyage aux États-Unis, alors que germait dans son utérus un truc de passage voué à l'oubli. J'arrête tout, je vais écouter les baladeuses sur Radio Dio 89.5. Bah, le premier truc qui me fait penser au passage, c'est des Américains. C'est la gare et les trains, quoi. Parce que à chaque fois qu'on attend le train, on entend cette voix attention au passage d'un train ou je sais pas quoi là. Et du coup, voilà, c'est ça le premier truc qui me fait penser. Et du coup, la gare. Bah, je pense que la gare où j'ai passé le plus de temps, c'est la gare d'Anhot. Parce que quand on était là-bas, on dormait sur le parking de cette gare. Parce que c'était un peu le départ du chemin qui menait au site d'escalade. Donc c'était le plus pratique. Et donc là, on passait le matin, on traversait les rails. On se faisait engueuler par le chef de gare. Et puis après... on rejoignait le chemin quoi pour monter au site d'escalade. Et ce chemin, ouais, c'était un sacré voyage parce que on passait par la forêt au début, après un passage un peu casse-gueule où fallait mieux pas se la coller. Et à la fin, on arrivait dans un endroit qui s'appelle la Chambre du Roi. Donc au début, ça paye pas de mine. C'est un espèce de tunnel de rocher, on comprend pas trop ce qu'on fait là. Et dès qu'on passe à travers ce tunnel, je me souviens, il y a tout le vent qui s'y engouffre, c'est assez bizarre. Alors qu'il n'y a pas de vent autour, mais là, il y a du vent, précisément. Et dès qu'on a traversé ce truc, là, c'est une claque, hein, parce qu'on se retrouve sur la droite, là, cette immense face, qui est juste magnifique. Où t'as peut-être les deux voies les plus mythiques du monde, enfin en tout cas du monde de l'escalade traditionnelle quoi. Et ces voies-là, t'as Le Voyage et Bon Voyage. Les deux, elles démarrent au même endroit par la même fissure, qui est pas si dure que ça. Enfin, ça vaut à peu près cet âge. Et ensuite, il y a une section qui commence à attaquer sévère sur des trous. Après, on rejoint une autre fissure et c'est là où t'as la bifurcation. Le voyage, c'est tout droit et Bon Voyage, c'est à gauche. À gauche toute, une traversée qui est magnifiquement dure. Donc, où les protections commencent à être un peu loin. Enfin, au début, ça va. Et plus t'avances dans la traversée, plus c'est dur, et la dernière protection, elle commence à être vraiment loin. Et à la fin, on arrive sur une proue. Donc c'est... une proue, c'est un peu comme une arête, quoi. Un angle d'un mur. Et là, c'est vraiment dur et il faut commencer à vraiment pas tomber. Parce qu'on risque de se faire empaler sur... sur l'espèce de d'aiguille qui est en dessous là, et là ça doit faire un peu peur. Et ça, ça a été fait 4 ou 5 fois je crois, mais une fois récemment là. Et sinon le voyage, c'est moins dur mais ça reste quand même très très dur, ça vaut 8B, 8B+, je crois. C'est beaucoup plus direct. Ça remonte une fissure quasiment tout le long, fissure bien à doigts, bien fine, qui a l'air de se protéger pas trop mal, mais enfin, la chute est moins problématique là-dedans, mais ça fait quand même peur. Et j'ai vu un copain dedans et ça a l'air très dur quand même, mais très beau, donc ça donne envie d'aller travailler quoi. Et le rocher il est... Bah, de toute façon, sur tout à note, le rocher, il est juste trop beau, quoi. C'est du grès, donc le grès, c'est... ça s'est formé à l'époque au fond de la mer. Et c'est du sable qui s'est compressé. Et ça a donné un rocher qui est super en adhérence. Des fois, il s'effrite un peu quand il n'est pas de bonne qualité, donc ça fait un peu peur. Mais à note, ça va, il est quand même... Il est quand même bien, bien solide et du coup, c'est trop beau quoi. 7A, 7B+, 8B+, mais de quoi on parle ? On parle des difficultés des parois pour les grimper, les escalader, les monter, les parcourir afin de trouver des passages. On a entendu Justin Bailly, qui est un jeune moniteur d'escalade, qui a monté son auto-entreprise qui s'appelle Vertilocal 42. Avec lui, on peut tenter de monter, de grimper, de trouver nos propres passages dans les parois alentour. Oh, vie heureuse des bourgeois, qu'avril bourgeonne ou que décembre gèle, ils sont fiers et contents. Ce pigeon est aimé 3 jours par sa pigeonne, ça lui suffit-il, c'est que l'amour n'a qu'un temps. Ce dindon a toujours béni sa destinée et quand vient le moment de mourir, il faut voir cette en pleurs, c'est là que je suis née. Je meurs près de ma mère et j'ai fait mon devoir. Elle a fait son devoir, c'est-à-dire que honque, elle est nue de souhait. Impossible, elle est nue. Aucun rêve de lune, aucun désir de jonque, l'emportant sans rameur sur un fleuve inconnu. Et tous sont ainsi faits, vivre la même vie, toujours pour ces gens-là. Cela n'est point hideux, ce canard n'a qu'un bec et nu, jamais envie, ou de n'en plus avoir, ou bien d'en avoir deux. Ils n'ont aucun besoin de baiser sur les lèvres, et loin des songes vains, loin des soucis cuisants, possèdent pour tout cœur un viscère sans fièvre, un coucou régulier est garanti 10 ans. Les gens bien heureux, tout à coup dans l'espace, si haut qu'ils semblent aller, lentement un grand vol en forme de triangle arrive, planète passe, où vont-ils, qui sont-ils, comme ils sont loin du sol, regardez-les passer, eux, ce sont les sauvages, ils vont tout leur désir, de vœux par-dessus mon époise et mes vents, et loin des esclavages, l'air qu'ils boivent paraît, éclatez vos poumons. Regardez-les avant d'atteindre sa chimère, puis d'un l'aile rompu et du sang plein les yeux, mourra ces pauvres gens. Aussi, femme et mère, et savent les aimer aussi bien que vous mieux, pour choyer cette femme. C'était Les Oiseaux de Passage par Maggie Boll, une chanson créée par Georges Brassens sur un texte de. Zut, j'ai oublié. C'est pas Jean Richepin, non, non. Bon, vous chercherez. On a entendu également Justin, du coup, nous parler de la commune d'Anotte. C'est une commune dans les Alpes de Haute-Provence qui a la particularité d'abriter alentour une grande barre rocheuse qui fait la joie des alpinistes et autres escaladeurs. Les anges ne sont pas des anges. Par Anita J. Lola, édition L'Atelier de l'Agneau. Les anges, on les connaît. Ils posent leur manteau sur nos épaules quand le froid et la peur nous gagnent. Ils se dépêchent de nous protéger de la bourrasque, du sol glissant, avant que le rebord de craie s'effondre dans le vide. Ils nous retiennent par la manche, d'un geste sûr, ils arrêtent le vertige. Ils nous caressent la joue, et très doux, ils font figure de simple, d'éternel innocent. Ils prennent pour emblème la branche d'églantine, la fleur en charpie du cerisier japonais. D'un même élan, ils attirent puis dispersent l'éclat, la pâleur aveuglante. Ils accourent quand la tête heurte le mur, le déferlement au ralenti de la vague. D'un revers de main, ils balaient les paroles qui nous ont blessés. Les anges, on sait qu'ils étaient les premiers à consoler, comme à asséner le coup de grâce. Les premiers à s'enfuir en chantant à tue-tête pour recouvrir le bruit de sable et pierres roulant dans un fracas, une poussière infernale. On disait qu'ils avaient dans les poches le papier froissé, des rêveurs le fouillis et les grains comptés de sable, qu'ils avaient le sac à l'épaule et les souliers de cuir fauve pour marcher sur la terre sans laisser de traces. Qu'il lavait des mains à recevoir de jour comme de nuit l'écoulement des larmes. On disait qu'il avait le manteau anthracite, gants épais pour repousser la grille, et pas volant pour courir à la frontière. On disait qu'il avait la main prompte à reprendre ce qu'il avait donné, qu'il était de ces hommes dont le regard est doux. On disait de lui qu'il était un ange, qu'il fallait se méfier. À tout ce qui s'efface, sitôt tracé et balayé par le vent, le passage du vent sur la terre, au ciel plongeant au bord de la falaise, aux nuages jetés par-dessus la vague, à la pluie tombée d'étoiles, à tout ce qui scintille en s'éloignant, à tout ce qui demeure du point d'éclat et de déchirure, à la mouette posée invisible sur la ligne de sable, au bleu marin, à l'ombre des yeux derrière la porte vitrée, à tout ce qui brille, à tout ce qui se brise, à la jeune figure qui sans cesse va se défaire et se recomposer, à l'affolement en mémoire, à la tasse fracassée, au mensonge, à la joie même. N'étaient pas des enfants perdus, ceux qui traînaient à la barrière, un temps de chien, ceux qui relevaient le col de leur manteau, n'étaient pas des fous, ceux qui cachaient leur visage sous le chiffon de laine. Ne vacillaient pas au grand nord, en secouant les flocons de leurs épaules, aucun regret, pas une larme. Ceux qui avaient tourné le dos au coin de la rue, le secret confié, un trésor de misère, ils l'avaient enfoui dans les poches. Ils l'avaient perdu. N'étaient pas des voleurs de nuit, ceux qui avaient baissé les yeux devant leurs reflets dans les glaces. N'étaient pas des oiseaux passant sur le champ de neige, ceux dont les pas s'effaçaient au fur et à mesure. N'étaient pas des enfants, pas des cœurs arrachés, ceux qui partaient en fuyant leur ombre. N'étaient pas des anges. On disait qu'il avait dans les poches le papier froissé, à tout ce qui s'efface, sitôt tracé et balayé par le vent, le passage du vent sur la terre, au ciel plongeant au bord de la falaise. Toute ombre glisse sur l'ombre, au crépuscule, le volettement des oiseaux rasant l'ombre du ciel sur la terre, à travers les grilles, les œillets incendiés et roses. Il n'y a plus de jardin, plus de saccage. On oubliera le jour. Le silence meurt par le feu, la douleur s'estompe, le rouge de la robe qui tombait seule en déformant les traits, le reflet dans la glace. Il n'y a plus de colère, plus de rêve. À l'instant de l'éclipse où tout aura disparu, caché par l'ombre de la terre, on se souviendra de la nuit qui s'éloigne et tombe. Marchant sur la jetée, on la touchera à travers le brouillard. On se souviendra l'oubli. Thank you. atonale, écoutez les baladeuses. On vient d'entendre Luc Selick et Andrew Renfro à la contrebasse et à la guitare arrangée. Et puis t'as vu, on n'avait pas eu de problème technique jusqu'à présent. Oh mais on va faire comme si on n'en avait pas. Alors nous sommes deux aujourd'hui dans le studio de Radio Dio, 89.5, radiodio.org. Sophia Bailly et moi, Juliette Bargès. Et oui, puisque Julie est encore... Elle est encore pas là, elle est encore au travail. Oui, elle passe son temps au travail. Le passage du temps au travail, c'est un truc qu'on devrait réfléchir. On passe trop de temps à notre travail, je crois. Tu crois pas ? Ouais, c'est sûr, ouais. Alors, il y en a d'autres personnes qui passent beaucoup de temps à chercher des passages, entre autres des explorateurs qui ont tenté le passage du Nord-Ouest. C'était le titre, d'ailleurs, du morceau qu'on vient d'écouter de Luc Trellick et Andrew Renfro. Et ce passage du Nord-Ouest, c'est celui qui sépare l'océan Atlantique de l'océan Pacifique, mais tout en haut, au pôle Nord, entre l'Alaska, le Groenland, enfin tous ces coins-là. Et donc c'est un passage hyper compliqué pour les navigateurs, puisque c'est un lieu qui est rempli d'icebergs qui font 500 mètres de hauteur des fois. Alors pas 500 mètres, mais... Non. Alors, c'est gros, c'est hyper énorme, ouais, et ça bouge, on ne sait pas dans quel sens ça va, ouais. On peut se faire écraser entre deux trucs. C'est ça le problème, en fait les explorateurs ils sont toujours en train de faire le point et dès que le vent tourne, il faut tout recommencer parce qu'ils ne savent pas du tout dans quel sens les icebergs vont se déplacer et ça risque de briser leur coque, comme une coque de noix, une vulgaire noix. Et puis le souci c'est que le vent pousse les icebergs dans un sens alors que les courants en amènent d'autres dans les sens contraires, donc en fait il paraît que c'est un paysage qui est mouvant en permanence et comment il s'appelait le gars qu'on a écouté qui avait traversé ça en solitaire? Ah ouais, alors ça c'était dans les années 70, il y a un explorateur belge je crois ou hollandais, je sais plus exactement, mais qui s'appelait Willy de Ross R2OS, et qui a tenté la traversée seule, mais en fait, quelqu'un l'a rejoint, un camarade, collègue, coéquipier l'a rejoint pour plusieurs semaines, parce qu'il a mis une saison pour traverser, alors que Amundsen, au début du siècle, donc plutôt 1905, 1907... Oui, au début du siècle dernier. C'est ça, au début du siècle dernier, lui, il avait mis 3 ans. Pour faire cette traversée. Et en parlant de passage difficile, là, quand Justin parlait de ce fameux passage avec la guillotine, il y en a 5 pour l'instant au monde qui ont réussi à passer ce passage. Parce que quand il parlait de la guillotine, moi j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était tombé dessus et qu'on était mort. Non, c'est pas ça le truc. Ce passage à Hanotte, on voit des vidéos sur YouTube, effectivement les mecs ils sont obligés de se mettre à l'envers et de se retourner pour rattraper c'est un truc de fou quoi. Passage de surplomb? Pas vraiment un surplomb, non, c'est pas en surplomb, c'est ça qui est assez surprenant, mais c'est vraiment le mur, enfin c'est lisse quoi, il n'y a pas beaucoup de trous pour mettre les doigts. Et ouais, les warfare, c'est assez impressionnant. Et donc, il n'y en a que 5 encore pour l'instant au monde qui ont réussi à le faire. Ce qui est quand même assez incroyable. Ça a l'air assez extraordinaire, cette paroi qu'il nous a décrite très intelligemment, je trouvais, parce qu'on pouvait se figurer en fait ce paysage. Bah ouais, c'est vrai que. C'est pas évident de raconter un paysage, raconter une montagne. Non, c'est pas simple. Non. Alors, il y a un poète qui a fait ça. Alors, il y a un peintre qui a fait ça, qui a peint une montagne jour après jour. Il s'appelait Cézanne. Mais il y a un poète aussi qui a fait ça, qui a raconté une montagne jour après jour. Essayer de la décrire, essayer de dire la lumière, essayer de dire comment elle bouge, elle vit. Et c'est... Eh bien, je vais rechercher parce que j'ai oublié. Désolé. Sinon, c'était bien Jean Richepin qui a écrit Les oiseaux du passage. Ah, c'est Jean Richepin. Ah, ouais, t'as vu. Oui, oui, t'as vu, il n'y a pas eu de souci. Alors, je sais plus, c'est quoi la suite? La suite, c'est Christiane et Gilles Massardier. Ah, oui. Peut-être que tu peux nous en dire un mot, parce que tu les as connus, alors, et puis c'est toi qui as fait l'enregistrement, en fait. Oui, alors Christiane et Gilles Massardier, c'est des gens que j'ai rencontrés, que j'ai connus il y a une quinzaine d'années, lorsque je faisais des études dans l'éducatif. Et c'est un couple assez incroyable, puisqu'il a... Il a mêlé son projet de vie. Enfin, ouais, ils ont quand même. Enfin, ils ont ouvert ce qui s'appelait un lieu de vie. C'est-à-dire que c'est un lieu de vie, c'est une sorte de structure sociale qui se trouve à mi-chemin entre les familles d'accueil et les centres, les foyers d'accueil pour jeunes. En déshérence, ou enfin, en tout cas, les jeunes à protéger, en fait, puisqu'ils étaient placés par ce qu'on appelait la DAS, et qui est devenue l'ASE, les affaires sociales à l'enfance, et l'action sociale de l'enfance, et je crois que c'est ça l'acronyme ASE. Et donc c'est un lieu, donc ils fonctionnaient comme une famille avec leurs propres enfants dans une grande grande maison qu'ils ont achetée pour le coup, et en même temps ils accueillaient des enfants qui n'était pas qui était dit inclassable. Alors ça, c'est assez bizarre dans le travail social. C'est vraiment, on a tendance à catégoriser et de plus en plus, c'est même un problème, parce que là, en ce moment, il y a des éducs qui se battent parce que je suis pas très clair, je vais de loin en loin, mais il y a des éducs qui se battent parce que les conditions de la protection de l'enfance se dégrade gravement, mais avec des baisses de budget et de moyens permanents depuis des années. Et l'accueil des jeunes, des mineurs en difficulté, soit parce que ils sont dans des familles maltraitantes, etc. Il faut les accueillir, et donc soit ils vont dans des foyers qui sont des sortes de gros pensionnats avec tout ce que ça peut aussi avoir de difficultés pour certains gamins d'être avec d'autres, etc., qui peut être plus compliqué. Donc eux, ils ont créé un lieu qui était à mi-chemin entre une famille d'accueil, c'est-à-dire ces foyers. Et c'était un passage, c'est-à-dire c'était le temps pour ces enfants de pouvoir quitter le foyer, enfin leur famille, avant d'aller dans d'autres lieux d'accueil. Et ils ont fait ça pendant une vingtaine d'années, voilà, il n'y a pas longtemps qu'ils sont à la retraite. Et donc on va les écouter, et surtout sur cette idée de passage, voilà. Alors, que je lance le bon truc. Attention, c'est parti. De fait, le passage, moi, ça m'avait, à une époque, c'était passeur de sens. Mmh. Le passage, c'est la transition d'un lieu à un autre. Mmh. Et pour les gamins qu'on accueillait, c'est ce qu'on voulait être. Mmh. C'est-à-dire un entre-deux, pas une fin en soi. Un passage d'une manière d'être à une autre manière d'être, à une manière de vivre à une autre manière de vivre. Et de se dire que ça ne nous appartenait pas. Un passage, un passeur, celui qui fait le passage d'une rive à l'autre, il ne s'arrête pas au milieu du gué pour conserver ses passagers. Et du coup, nous, c'était un petit peu ce qu'on voulait vivre avec ce passage-là, c'est-à-dire permettre à des enfants d'aller d'un lieu à un autre sans rien nous devoir. D'un lieu et d'une vie, ouais, à une autre. Et... je vais peut-être dire une bêtise, mais c'est un souvenir, je ne suis pas sûre. Il n'y avait pas un film qui était passé au moment où, où on a créé le passage, qui s'appelait Le Passage, ça. Et je ne me rappelle plus du avec tout. Avec Alain Delon ? Je ne sais plus. Je crois bien que c'est un film d'Alain Delon, oui. Ah ben, je ne me rappelle plus ce que c'est, mais en tout cas, ça avait fait titre à l'époque. C'était un film de science-fiction. Ah bon ? Oui. Eh ben, tu vois. Ouais, ouais. Alors, je ne sais plus ce que c'était le film, mais je n'ai pas de souvenir. Mais c'était une histoire de gamin. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais ouais, c'était une histoire d'enfant, mais je me rappelle. En tout cas, à la création du lieu, ça correspondait à peu près au nom qu'on a donné après. Et c'est marrant parce que ce mot de passage, il avait l'intérêt d'être comment on peut dire, multiforme. Il y a même un gamin qui pensait que s'il venait là, c'est qu'il n'était pas sage. Mais c'est aussi le pas sage, c'est-à-dire une démarche sereine. Et puis tu avais aussi, alors ça a été utilisé là dans le coin, le passe-âge. Ah ouais. Passer d'un âge à un autre. C'est toujours une question de transition et de transmission. Donc. Et où tout le monde est soumis au même mouvement. Ouais. Les passants comme les passeurs. Ouais. Il n'y a pas de. De toute façon, si on regarde la vie, on est tous de passage. On n'est pas. Quand j'entends parler d'immortalité, c'est un truc de fou. Parce que c'est l'immortalité, c'est l'immobilité. Il y a un bouquin de science-fiction qui est. Non, c'est un roman. Qui s'appelle Immortel en conserve. Où le truc, c'est que t'as des. Ils ont trouvé le moyen de transférer un cerveau sur un corps vivant. Sauf qu'il n'y a pas assez de corps. Donc on conserve les cerveaux dans des espèces de bocaux, et ces bocaux sont pilés dans des banques de cerveaux en attente d'un corps. Et ils deviennent fous petit à petit. Ils deviennent tous fous parce qu'ils discutent entre eux et ils deviennent dingues. Et chaque fois, c'est souvent dans les trucs d'immortalité de science-fiction où on a effectivement une volonté d'être immortel et ça t'emmène à la folie, systématiquement. Il y en a un autre où tous les 300 ans, ils sont obligés de se laver le cerveau parce qu'il ne peut pas contenir toute la mémoire. Donc, cette histoire de passage et de passer d'une vie à l'autre, c'est vachement important parce qu'on se dit que la vie, c'est le mouvement obligatoirement. Et arrêter ce mouvement-là, comme le voudraient certains, c'est arrêter la vie. Et alors moi, je fais une connexion avec le fait que donc le passage, le lieu de vie, ça fait, il est né en 2000. Il s'enracine aussi dans une expérience avec un accueil d'un jeune qui s'est suicidé quelques mois après avoir réussi à s'installer dans la vie. Et ça fait partie des racines de notre lieu aussi, ce vécu avec ce gamin qui, voilà. Et depuis que le passage existe, il y a eu plusieurs gamins qui sont décédés et dans des trucs violents. Tous, ben presque. Non, pas. C'était une agression, mais voilà, et oui. je crois que c'est aussi ça, c'est prendre le risque, le passage, c'est prendre le risque d'aller jusqu'à la mort. Et dans l'histoire de Samir, je crois que c'était aussi, on a pris un risque énorme, on s'en est pas rendu compte, c'était un gamin qui avait un don pas possible pour le dessin. On lui a toujours ramené, à l'époque, on lui ramenait la réalité en lui disant « Mais tu peux pas aller aux Beaux-Arts, t'as le niveau du CP tout juste. » C'était un gamin qui était ado. Il savait lire, mais c'était limite. Et il voulait aller aux Beaux-Arts. Et nous, on a passé tout notre temps à lui ramener la réalité en bon éducateur, machin. Et on lui a tellement ramené la réalité que du coup, il a fait lui-même son inscription aux Beaux-Arts de Saint-Étienne. En dessinant, il y avait un dessin à donner pour la sélection. Il l'a fait sur un papier de boulangerie. Et il a porté ça, il a été reçu. Et il a passé tout son cursus aux Beaux-Arts avec brio. Et il a été. Et il s'est suicidé le jour où il a été reconnu, où il a pu exposer à Lyon, dans une. Il a été invité. Un vernissage. Un vernissage à Lyon où il a été invité en tant qu'artiste et on l'a retrouvé dans le Rhône. Et ça nous a quand même renvoyé. Qu'est-ce que la réussite ? Qu'est-ce que l'accompagnement et quel risque on prend, on accepte de prendre quand on s'occupe d'accompagner des gamins. Voilà. Et je crois que le passage, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'en fait, on s'embarque ensemble et on ne sait pas ce qu'on va devenir. Et quand on a ouvert le lieu, on ne savait pas ce qu'il allait devenir. Enfin, on avait une intuition, c'est sûr, mais on ne la maîtrisait pas. Et je crois que c'est cette non-maîtrise qui nous a portés pendant les 20 ans d'existence. C'est une prise de risque. Oui. De fait, on demande aux enfants qu'on accueille, quel que soit le lieu, hein, de prendre le risque de démarrer une nouvelle vie, de faire un passage vers une nouvelle vie. Et la plupart du temps, ceux qui sont avec eux ne prennent aucun risque pour eux. Oui. Et la question qu'on avait, nous, c'était comment on va se mettre en mouvement avec les enfants. Comment on va faire ce passage avec eux. Pas les laisser faire tout seuls, là. Il fallait que nous aussi, on soit en risque. Et les risques qu'on a pris, on découvre. On découvre les résultats des risques pris à travers ce que racontent nos gamins, nos trois gamins, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'ils sont adultes, ils nous renvoient des choses sur ce qu'ils ont vécu et sur ce que leur a fait vivre l'aventure du lieu de vie. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on n'a jamais maîtrisées, qu'on n'a jamais. On les a embarquées dans le truc, à tort ou à raison, mais de toute façon, quand on a des gamins, on les embarque, qu'on soit au lieu de vie ou qu'on soit n'importe où, on ne sait pas ce qu'on va transmettre. Et je me dis que c'est ce risque-là qu'on a pris avec les gamins du lieu de vie aussi. Voilà, donc ça c'était la petite interview que j'ai posée enfin, avec Gilles et Christiane. Voilà, mais je t'entends, Juliette, si tu voulais réagir. Parce que ouais, c'est très intéressant là, cette interview, quel sacré travail qui se sont forgés en fait avec les enfants. Bah, c'est effectivement un travail assez délicat, vous voyez. Puis en fait, on a beau. Enfin, pour ces enfants, des fois, il y a des parcours de vie qui font que ils sont tellement abîmés dès le départ que, bon, oui, d'avoir des initiatives qui puissent les aider, les soutenir, etc. C'est, et heureusement que ça existe, mais parfois, il y a tellement d'abîmes, c'est tellement abîmé que très difficile de réparer, en fait. C'est un peu ça aussi. Voilà, donc j'aimerais bien qu'on passe à une société qui prenne plus soin des plus petits, des plus âgés, des plus fragiles. Ce serait chouette d'arriver à de nouveaux passages, passer du besoin de domination, de supériorité, à celui du soin, de l'attention, de la compréhension, et de l'accompagnement, plutôt que de dire « c'est dans cette direction que tu dois aller, et si tu n'y vas pas, je te frappe, et si tu ne te restes pas, tu seras puni, et gare à la punition ». Ah bah oui, ça marche, parce que du coup, on est là, on a des gens qui ont peur. Et quand on a des gens apeurés, on peut les guider où on veut. On leur dit « marche pas par là, tu vas nanana ». Mais au final, ces gens que l'on mène comme ça, ces êtres nourris de peur et d'angoisse, ne peuvent pas s'épanouir, ne peuvent pas vivre, ne peuvent pas s'élever. C'est tellement facile d'être dans l'ordre l'obéissance. Voilà, on va passer... On en est où dans notre programmation musicale? Alors, ça sera Passage Montmartre, qui est un morceau, un standard de jazz qui a été réalisé dans les années 40 par Django Reinhardt. Je crois que c'est la version de Django, là? Oui, c'est la version de Django. De toute façon, j'en ai pas trouvé d'autres, en vrai. Ouais, c'est étonnant. Je pense qu'il y en a d'autres. J'ai peut-être mal cherché. De la neige de Thierry Casals, extrait aux éditions Éclat d'encre, paru en 2010. Thierry Casals raconte en haïku quelque chose qui s'en rapproche, la naissance de son fils Orphée, jaillissant entre deux cuisses blanches, des cheveux luisants, ton visage de totem démesurément vivant, ton corps de grenouille où la souplesse exulte, la jungle transparente de ton âme où se dissout instantanément toute distance. Sous la fine lisière de ton crâne, quelque chose respire, s'étire, plonge et refait surface. La vie qui va, qui vient. Il n'y a que les adultes pour se croire arrivés. Tes yeux insatiables ne se contentent pas de regarder. Ils lèchent, lapent, picorent, têtent la lumière à grosses gouttes et toujours en redemandent. Les petits plis replets de ton cou cachette rêvée pour échapper, aux autoroutes toutes raides, toutes droites, du temps pressé. Tu rêves comme une forêt en feu, agite tes bras de tornades blanches, déracine chaque visage, pampa à perte de vue, balayé par les vents. Comment le faire comprendre à ceux qui croient rendre visite à un simple nourrisson? Bond et rebond des hirondelles sur la bedaine des cumulus. C'est drôle, depuis que je te connais, même le plus triste ciel gris, le plus terne caillou, ont un petit goût de champagne. Tu n'es pas avare d'expression. Tu les essayes toutes, les laisses te traverser, et soudain, c'est le grand calme blanc d'un masque de nos flottant sur la scène vide du monde, humant chaque être, chaque chose, comme s'il n'avait plus la moindre épaisseur. Ta petite main qui plonge, ahurie, dans le miel vaporeux et serein d'un rayon du matin, en sait plus que tous les dictionnaires. Hop, tu bois la lumière perchée sur tes doigts. Eh, dis-moi donc, c'est quel goût qu'ils ont, salé, poivré, sucré, les rayons du soleil. Ton sourire, mon sourire, un seul et même fil de soie, enlaçant le pourtour de la terre pour l'empêcher de s'éparpiller en pure perte. Tu dors sur ma poitrine, catastrophe, chaos, désastre. Ainsi les Grecs anciens nommaient également le retour au repos des cordes de la lyre après avoir vibré. Nuit d'été, le mistral miaule, les chats ululent, cigales et criquets dansent un trépignant tango avec leurs bottines à grelots. Les étoiles font des claquettes sur tes cils. Je te regarde, regardez. Je t'écoute, écoutez. Les impatients nomment ça éternité. De passage, de passage. Triste, heureux voyage dans ce monde en rage. Dis-toi bien, je suis seulement de passage. J'ai vu Adam quitter le jardin, une pomme dans sa main. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Je travaillerai la terre et je ferai des prières. Je suis orphelin, je suis seulement de passage. De passage, de passage. Triste, heureux voyage dans ce monde en rage. Dis-toi bien, je suis seulement de passage. Je suivais Washington at Valley Forge, frelotant de froid. J'ai dit pourquoi les hommes souffrent tant ici. Pour une cause, ils peuvent souffrir, ils sont même prêts à mourir, même s'ils savent qu'ils sont seulement de passage, de passage, de passage. Triste, heureux voyage dans ce monde en rage. Dis-toi bien, je suis seulement de passage. Auprès de Roosevelt encore, la nuit avant sa mort, il dit un monde uni doit naître de ce carnage. Qu'on soit russe, noir ou blanc, on a tous le même sang. Tous ensemble, on est seulement de passage, de passage, de passage. Triste revoyage dans ce monde en rage. Dis-toi bien, je suis seulement de passage. Avec Anna, la baladeuse européenne. Quand on me parle de passage, ce qui me vient d'abord, c'est les frontières. Alors aujourd'hui, j'en suis à plus de 14 traversées, 14 lignes invisibles sur une carte, mais c'est 14 changements d'ambiance, de langue et de culture. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je traverse et que j'arrive dans un nouveau pays, j'essaie toujours d'apprendre quelques mots dans la langue locale pour pouvoir un petit peu discuter avec les personnes. Alors, l'un des passages les plus marquants de mon voyage, ça a été celui du cercle polaire. Franchir cette ligne, c'était comme entrer pour moi dans un autre monde, dans le monde arctique, où en fait, là-bas, tout change. Les températures sont extrêmes, la lumière est rasante avec de multiples couleurs, et le rythme aussi est totalement différent. Durant mon voyage, j'ai souvent changé de rythme, alternant backpacking avec du coup mon chien Maïka, où donc là je changeais très régulièrement de ville, de pays et de paysage, et j'alternais avec le woofing. Donc c'est un endroit où je pouvais vraiment me poser quelques mois, comme là je suis en ce moment en Suède, au centre du pays, et où les températures là sont quand même assez extrêmes, où c'est descendu à moins 40. Donc c'est vrai que la dynamique, elle change complètement parce que du coup, je passais beaucoup du mouvement et aujourd'hui, je suis beaucoup plus ancrée dans un lieu où je partage aussi le quotidien d'une famille. Je m'occupe aussi des chevaux et toujours des chiens de traîneau. Et c'est vrai que c'est un passage qui est quand même assez sympa parce que du coup, ça me permet de me fixer un endroit, ça me permet d'avoir un peu plus confiance en moi, un peu plus confiance aussi à mon anglais et aussi à mes capacités physiques dans des conditions assez extrêmes parce que voilà, quotidiennement, je suis autour de moins 25 et c'est descendu à moins 40. Donc, c'est quand même assez intéressant de vivre dans ce type de climat. Ce voyage aussi, ça me permet d'avoir différents passages émotionnels. Donc, bien sûr, j'ai eu des très beaux moments où j'ai pu voir des très belles aurores boréales. J'ai eu des rencontres assez inattendues et j'ai pu observer des paysages presque irréels. Et il y a aussi des bas liés souvent à la fatigue, à quelques déceptions, à des imprévus et aussi à des changements de plan. Mais ce que je retiens souvent, c'est qu'après chaque passage difficile, il y a toujours quelque chose d'encore plus beau qui arrive après. Et c'est ça finalement la du voyage. Ce que j'aime aussi dans ce voyage, c'est que je prévois très peu à l'avance et du coup je laisse beaucoup place à l'imprévu. Et ce qui finalement me donne, laisse place à des très belles rencontres. Donc voilà, je suis assez contente de la tournure que prend mon voyage. Et puis, je sais qu'après, il y a un autre passage aussi qui m'attend, c'est le retour en France. Donc là, c'est sûr qu'après 11 mois de voyage sur les routes de l'Europe, Revenir au quotidien, je sais que sera très déstabilisant pour moi et ça sera un passage qui sera assez difficile. Mais bon, comme tous les autres passages, ça sera que transitoire. Il y a aussi j'ai dû faire quelques ajustements pour la suite de mon voyage et j'ai dû prendre aussi des décisions. J'ai dû revenir sur mes priorités et notamment sur le fait d'être présente pour les personnes que j'aime. Et donc du coup, ce que je me suis aussi rendu compte, c'est qu'en parcourant l'Europe, je me rends compte aussi qu'on a un très beau pays, la France, avec de magnifiques paysages et qui sont aussi très diversifiés. Et donc du coup, tout ça m'a permis en fait de me rendre compte que ben, on est bien en France. Et voilà, j'ai d'autres nouveaux projets qui arrivent prochainement, et notamment faire un voyage à vélo, mais cette fois-ci en France. En fait, c'est comme si le fait d'être allé à l'étranger et d'avoir fait un grand passage finalement, du coup, à travers l'Europe, ça me ramenait en fait à chez moi et avec un regard qui est quand même plus neuf et avec plein de nouveaux projets et plein de nouvelles idées. Donc voilà, finalement, le passage, c'est pas une rupture, mais c'est plutôt une évolution. Le fait de traverser les frontières, affronter le froid arctique, de changer régulièrement de rythme, passant du mouvement à l'ancrage, du doute aussi à la confiance, tout cela me ramène en fait à chez moi. Donc voilà, j'ai hâte aussi de retrouver mes proches et mes amis. Et puis aussi, je pense qu'il faut pas aussi oublier que dans ce monde, on n'est aussi que de passage. Sur cette terre, donc c'est pour ça qu'il faut aussi vivre à fond notre aventure. L'agenda des baladeuses. Bon, alors on avait dit Attends, mais attends, parce que jeudi, moi, je peux pas. Non, Vendredi. mais Attends. mercredi, moi, c'est vendredi Non, à mais pas le 13h, moi, matin. ça Non, irait. bah, oui, Pas 13h, ça le va, week-end, mais quand pas même. avant 8h. Ah non, pas lui, pas le week-end. Non, mais le Non, week-end, bah, je sais pas, on va ouais. voir. Bah, le Mais il y a le théâtre aussi. théâtre, oui, il y avait Il y avait pas une danse avant. Et c'est l'heure de notre agenda. Alors, en premier, la radio, Radio Audio, 89.5, radioaudio.org, a également un agenda. Vous pouvez retrouver la grille des émissions sur le site pour toute l'année. Mais également, il y a un événement qui est organisé depuis le 21 février, qui est un festival radiophonique contre les idées nationalistes et discriminantes jusqu'au 22 mars. Donc voilà, vous pouvez retrouver dans les émissions de Radio Audio ce festival. D'autres festivals en ce moment sur Saint-Étienne. On aura le festival Matière Vive qui va démarrer bientôt, qui est un festival autour de la danse et de pièces dansées. Il y a également un stage d'écriture pour la radio, puisqu'il y aura une émission de radio. Et ce stage d'écriture est assez intéressant parce que c'est le soir, c'est un samedi dimanche et c'est 19h-21h. Vous pouvez retrouver toutes les infos auprès du magasin. Donc pareil, on trouve sur Internet et c'est 20 rue Honoré de Balzac à Saint-Étienne. Encore un festival cette fois aussi de danse, mais au Verso, qui s'appelle Alors on danse tout le mois de mars, avec un temps fort qui est la sortie de résidence de la compagnie Tancono de Cécile Théry, qui sera le 20 mars à 17h et qui s'appelle L'éloge du vide. Au Choc Théâtre, plusieurs spectacles programmés. Dès jeudi soir, donc demain, vendredi et dimanche à 15h, nous aurons Soi Gaza de la compagnie Ensemble Nomade. C'est le récit, enfin le journal plutôt, de Nehama Hassan, palestinienne, qui a été publié par les éditions des Lisières en 2025. C'est un spectacle bilingue et musical, d'une durée d'une heure environ. On enchaînera avec le discours de la servitude volontaire de la Boétie, mis en scène par la compagnie Parole en acte, avec un dimanche 8 mars à 17h et pas à 15h comme soit Gaza, et des représentations jeudi et vendredi 5 et 6 mars à 20h. Ensuite, il y aura Les Pieds par terre de la compagnie Tout un truc, qui est une compagnie qui vit juste en dessous de chez nous, enfin chez nous, c'est-à-dire chez Radio Dio, à l'Estanco. Et on aura Les Pieds par terre, donc, qui est le cabaret de Dolorès. 12 et 13 mars, 20h, c'est à la fois burlesque, tragique, co-comique. Et ça a l'air assez alléchant. Et bien, c'est tout. Ah non, les arts visuels, quand même. On ne va pas parler que de théâtre. La galerie Au Secours, donc, qui est 24 rue Bourgneuf, propose une exposition d'une dizaine d'artistes locaux. Ou alentour, donc c'est plutôt art singulier, mais pas que, avec une ouverture le dimanche en journée, 10, 11, 18 je crois, et qui s'achèvera le 22 mars. Et maintenant, c'est l'arrivée du grand feuilleton, le nouveau feuilleton produit par Juliette Bargès. C'est la compagnie des Nouvelles des Vivants qui fait tout ça. C'est la compagnie des Nouvelles des Vivants. Ah, moi toute seule, c'est pas possible. Non, c'est vrai. T'as quand même écrit à toi toute seule tout mais le texte. Tu sais qu'on dit pas feuilleton maintenant depuis 1982 en fait. Ah on bon dit fiction radiophonique. On dit plus les feuilletons. Non, ça c'était au 19e siècle qu'on disait feuilleton. Je suis pas passé au futur, moi. Je suis resté dans le passé. Mais ce qui est marrant, c'est l'évolution du terme, parce que c'était dramatique, radiophonique. C'est passé par plein d'occurrences en fait. Donc là, on est avec une fiction radiophonique. Je ne m'ai pas trompé. Qui est la suite? Donc en fait, c'est la deuxième saison du feuilleton de l'année dernière. C'est pas vraiment la suite, c'est plutôt un focus sur un personnage. L'année dernière, on avait cette fiction radio qu'on a appelée « Je n'en ai pas fini avec la mort » qui parlait des funérailles qui avaient lieu d'une veille de funérailles avec tous les gens rassemblés qui discutaient autour de cet événement. Et là, on trouve la fille de la morte, en fait. Voilà, Maddy. Et là, la fille, c'est Rosette. Rosette qui a interprété brillamment par Maud Thérillon avec toutes les voix. Parce que la particularité de Rosette, c'est qu'elle entend des voix dans sa tête et qu'il faut qu'elle fasse avec. D'abord, il y a eu le rebouteux. Mais au final, il a fallu se résoudre. Je n'avais vraiment rien de cassé. La petite bande où je n'en ai pas fini avec la folie. Puis, épisode 1. Celle qui m'avitait un pendule sous le nez. Je ne savais plus si c'était elle ou moi qui louchait à la fin. Et l'exorciste. Avec toute sa panoplie. Très drôle de le voir s'agiter en tous sens dans sa robe noire. Moins quand il fallait répéter après lui des incantations en latin. Et encore moins quand il fallait faire des devoirs à la maison. Incantations et tout le tintouin au pied du lit. Ben voyons. Bon d'accord, on dit prière, pas incantation. Le kinésiologue aussi était pas mal dans son genre. Du type mage psychédélique. Faut aimer. Hein. Et surtout y croire. Cela fera 80 euros, s'il vous plaît. En espèces uniquement. La psychogénéalogiste a fait peur à maman. Toutes ces branches pourries, ça avait de quoi refroidir. Et ça me faisait lourd à porter. Le pire, c'était quand même l'exorciste. J'étais déjà athée à 9 ans, mais alors, après les séances, j'étais anticléricale, pur jus. Maman et ses bonnes idées New Age. Quand j'ai eu 11 ans, elle s'est enfin décidée à m'emmener voir un psychiatre. Le docteur Hoffman, lui, n'avait pas de robe noire ni de pendule. Il parlait doucement, les deux mains croisées sur son bureau. Je regardais ses mains, comme deux petits animaux endormis.

Après les funérailles, ils se sont fait plus discrets. Enfin, presque. Mes voix, comme dit le docteur Hopman. Pour moi, ça sera toujours la petite bande. Petite bande où je n'en ai pas fini avec la folie. Épisode 1 que vous venez d'entendre. Le prochain sera pour mars, bien sûr. Alors, juste 2-3 choses à propos de cette réalisation sonore. Donc, texte et montage, eh bien, Juliette Bargès. Prise de son, enregistrement, donc voilà, enregistrement des sons, effets sonores, mixage et musique, Jean-François Mingard, avec à la musique contrebasse également Benoît Cancoin, et les comédiens et comédiennes Rosette et ses voix, Maude Thérillon, sa mère, Maddy, Emily Weiss, JP, son père, Alain Besset. Et on entendra dans les prochains épisodes aussi sa grand-mère, Jacqueline Béatrice Moulin, son grand-père Maurice, joué par Philippe Grenier. On a entendu fugacement le kinésiologue, joué par Didier Chaud, et l'exorciste, par Sophia Bailly. Et c'est bientôt, ben on va... Attends. La maladie là quand même. Non, il y a un courant d'air là dans le studio. J'ai, En train de. Studio, ça me fait des frissons et ça me fait éternuer. Ça va être le moment de se quitter en fait. On se retrouve le mois prochain. Le 25 mars. Le 25 mars à 10h de 10h. Oh bah décidément. Oui, le 25 mars de 10h à 11h30, comme d'habitude. Alors c'est peut-être 10h et quelques brouettes, ou 11h30 et quelques brouettes aussi. Mais on essaye de faire au mieux pour être dans ce créneau-là. Voilà. Eh bien, merci à tous. Merci à Radio Do pour nous offrir ce moment avec les baladeuses. Et on se dit au mois prochain. Au revoir. Au revoir. Attention, attention, nous arrivons en gare des baladeuses de 10h à 11h30, le quatrième mercredi du mois, sur Radio Dio 89.5. Veuillez prendre garde de ne rien avoir oublié dans le train avant de descendre. Prenez garde à la marche en descendant.